Elle se place la bouche près du baiser. Aujourd'hui, le lundi 2 janvier 2023, monte le volume et hume la différence, car c'est parti, mon kiki. Enregistré au studio des Abeilles dans la vieille capitale et diffusé sur CKRL le 89.1 à Québec, la plus vieille radio communautaire francophone au monde vous propose Errance Rénadienne, une émission baroque et désinvolte. Et voici la bête lumineuse, le farfadet du surréalisme, le clown le plus imprévisible dans le cercle médiatique actuel, Reynald Gagné! Illégal. Mes amis de Sexe Illégal, un duo, dans le style de Paul et Paul, dans le style d'RBO, dans le style de bien d'autres, les frères Bros. Connaissez-vous les frères Bros, vous? Vous vous peignez? Non, les frères Pink, ça n'existe pas. Non, non, non, non, c'est pas dans... Non, c'est vraiment pas, ça existe, non. On peut pas en inventer, quoique vous, madame, vous jouez de la bombarde. Oh, mon Seigneur! Non, c'est commercial. La bombarde, j'ai aucun préjugé sur aucun instrument de musique. Mais, malheureusement, j'en ai déjà parlé, la cornemuse, faut pas trop abuser de la cornemuse. Je vous la rencontrerai pas, celle-là. Hey, en parlant de pas raconter, ça, c'est un moment assez spécial qui s'est passé il y a pas longtemps. Il y a un mois, il y a une dame aux États-Unis, parce que ça prend juste des Américaines et des Américains, là. Des États-Unis. Ah, c'est vrai, nous sommes Américains et Américaines, donc je recommence. Ça prend juste des États-Uniens et des États-Uniennes pour arriver à ça. La dame a envoyé une compagnie de, comment dire, donc, parce que je ne veux pas nommer la marque, mais vous savez, quand vous mettez de l'eau avec du fromage dans le micro-ondes, oui, exactement, en fait, le mets des adolescents et des cégepiens jusqu'à l'université, quand tu n'as pas une maudite scène, c'est ça que tu achètes puis que tu manges. Mais elle s'est plainte et donc elle poursuit cette compagnie-là, qui est une compagnie mondialement connue, parce que sur l'emballage, et malheureusement, c'est la vérité, on mentionne que ça prend 3 minutes et demie à faire ce mets-là dans le micro-ondes. Et ce n'est pas vrai. Puisqu'elle dit, ben écoutez, il faut ouvrir le sachet, ouvrir la boîte avant, OK? Ensuite, ouvrir le contenant, prendre le sachet de poudre de fromage, hein, le placer sur les pâtes, mettre de l'eau, replacer le couvert, ouvrir le micro-ondes, et j'ai tout calculé et ça prend malheureusement 5 minutes et 15 secondes tout faire ça de A à Z, sans rajouter quelques coquetteries qui existent. Non, aucune coquetterie, pas de saucisse, pas de fromage sur le dessus, dans le dessus, non, juste la poudre, l'eau et bien sûr la pâte. Alors c'est on s'est fait avoir à 100 000 à l'heure. Oui. Alors donc je demande 5 millions de dollars. Elle a demandé 5 millions de dollars pour ça. Son temps est précieux, elle, là. Elle a débordé un peu, là. Hein? C'est pour ça, madame, mademoiselle, monsieur, qu'on est pris avec autant de conneries écrites sur un verre. Attention, c'est chaud. Ben oui, c'est chaud parce que quelqu'un, hein, s'est plaint. Ah, mais je suis brûlé. Ben oui, c'est un café. Oh, mordo, mais un café chaud. Ben, si vous auriez voulu avoir un café froid, vous pouvez le demander, ça existe. Oui, mais non, moi, j'étais pas aussi... Je croyais pas que c'était aussi brûlant. Eh, monsieur, est-ce que je peux vérifier si votre corps est aussi brûlant? Non, hein? Touchez au mien. Ça, c'est brûlant. À force de voir des gens comme vous, là, ça me fait monter le volcan. Et puis ça, là, ça m'étire, hein, l'arcade sourcilière. Oui. Et puis ça m'amène aussi, ça me fait sortir un peu l'œil de l'orbite. Et là, je vous parle pas du dentier, puis tout le reste, le poil qui s'hérisse. Et puis, mais en fait, je deviens Hulk. L'incroyable Rénal Hulk. Avez-vous déjà vu, hein, l'incroyable Rénal Hulk? Il n'existe pas, mais il va apparaître à un moment donné. Parce qu'on se fait emmerdé par des gens comme ça, poursuite par-dessus poursuite, hey, si t'es pas assez intelligent, OK, prépare tout ça chez vous, fais ça chez toi, ton macaroni, là, mets ton chaudron, place ton eau, fais bouillir ton, ben, tu ouvres ton poêle, ton rond, puis tu fais tout bouillir ça, tu pars de, tu sais, quand tu dis c'est fait maison, là, fais-le maison, ajoute rien de préparé, parce que tu veux faire de l'argent sur n'importe quoi. Hey, à un moment donné, il y a un gérant d'artiste que je nommerai pas. Tu sais, une méga vedette, là. Une méga mondiale, là. Puis c'est un Québécois, ce gars-là, là. Puis sa blonde était beaucoup plus jeune que lui, hein? C'est assez... Puis il est décédé, lui, là, là, hein? Bon. Il s'est retrouvé, malheureusement, seul avec une fille, une femme, qui elle, s'est plainte d'agressions sexuelles. Et puis elle dit, mais si vous me donnez, je ne sais pas, un montant X, je n'en parlerai pas. C'est pas épouvantable, ça. On est rendu là. Fait que moi, là, quand je prends l'ascenseur, là, j'essaye de me retrouver avec 6-7 personnes. Sinon, j'embarque pas. Non, mais moi, je suis un gars de la radio. Je suis connu, moi, là. Je suis pas comme monsieur tout le monde, moi, là. Je suis pas comme un petit crotté du coin de la rue, moi, là, là. Quoique, je suis un petit crotté connu. un crotté. Je suis propre de ma personne. Vous pouvez vérifier. Faites comme petit Benjo. Mon Yorkshire croisé caniche. Il me sniffe partout. Hein. Quand j'arrive, là, je passe aux douanes. C'est pour ça que quand je vais en Europe et que je reviens de l'Europe, j'ai aucun problème. Ça ne me dérange plus les douanes. Ah ouais, donc, sniffez-moi partout. Il n'y a pas de problème. Puis, à un moment donné, là, on va vous surprendre. Je vais arrêter de me laver pendant 2 semaines. Oh! Vous allez trouver que le camembert, là, ça sent la rose. Ah, ben oui. On ne peut pas s'amuser autant que ça, hein? Parce que tu sais comment les gens vont réagir. Parce que le genre humain, il est comme il est. Il n'est pas original pour Saint-Saëns. À part certains animateurs de radio. Oh, arrête! C'est vraiment triste de voir un gars un peu sexiste et qu'une face de rat. Un macho pichou. Un macho pichou. C'est t'es pas joli, au moins sois poli. Pis toi t'es trop laide pour me traiter de tapette. T'es un macho pichou, un macho pichou. Macho pichou, macho pichou, macho pichou. T'es juste un macho pichou, y'est qu'un macho pichou. Tes commentaires sont déplacés, un peu comme tes dents qui pointent vers ton nez. Un macho pichou, juste un macho pichou. Tu penses que les femmes te doivent quelque chose, mais c'est plus ta face qui nous doit des excuses. T'es un macho pichou, y'est qu'un macho pichou. Macho pichou, macho pichou, macho pichou. T'es juste un macho pichou, y'est qu'un macho pichou. Tu dis que t'es en bas, mais c'est un peu normal. Personne se pitch, c'est gros tas de marde. T'es un macho pichou, y'est qu'un macho pichou. Tu vas mourir tout seul et triste, t'es que ton seul ami, le colon raciste. T'es un macho pichou, y'est qu'un macho pichou. Macho pichou, macho pichou, macho pichou. T'es juste un macho pichou, y'est qu'un macho pichou. Macho pichou, macho pichou, macho pichou. T'es juste un macho pichou, y'est qu'un macho pichou. On se tourne après tant de solitude, on se retourne et puis après, on se détourne à jamais. J'ai écrit ça le 2 janvier 2018. Si vous savez compter, comptez pas sur moi, ça fait 5 ans. Oui, 18, 19, 20, 21, 22, 23, parce qu'on est en 2023, encore un autre casse-tête, Saint-Simonac d'Amérique du Nord britannique. Tout pour nous mêler, tout pour nous causer dans le créneau, dans l'Alzheimer ou de la démence. Quoique de la démence, c'est pas ça. La démence, c'est quand tu t'imagines des choses. Parce que moi, j'ai vécu ça, pas personnellement, mais ma grand-mère et ma mère ont eu ce problème-là. Puis ma mère, en plus, triple démence et l'Alzheimer. Bon. Quand elle choisissait toujours la totale. Elle était comme moi, elle était 5%. Comment j'ai déjà dit ça à un moment donné? Je suis 500% extrémiste. Ma mère aussi, on est semblables. Ma mère me ressemble, ou je ressemble à ma mère plutôt, hein? Ma mère, peux-tu me ressembler? Mais si elle fait du mimétisme, ah ouais, mais moi je ressemble à ma mère, et puis ma soeur ressemble à mon père. C'est quasiment intéressant. Ben oui, tout le monde connaît ma famille. Ben voyons donc, fais comme Jim Morrison, reste silencieux sur ton passé, les gens ne s'intéressent pas à ça, ce qu'ils veulent, c'est ce que tu es maintenant. Garde un peu de secret, c'est intéressant. Ça fait vendre des revues. Ben moi, je ne suis pas dans les revues. Non, ben ça, oui, t'es dans des revues, mais pas des revenus convenables. Oui, ça là, faut pas en parler. Quoi qu'en 2023, tout sera étalé sur la place publique, tout sera envoyé un peu partout, dans tous les circuits médiatiques. Et croyez-moi, ça va changer, je crois, la face de l'univers, tout ce qu'on va apprendre dans quelques temps, au début de l'année 2023. Je ne veux pas faire mon spécialiste, là, mon voyant, mon médium. Quoique moi, j'ai le médium, mais oh mon doux, j'ai maigri un peu parce que j'étais plutôt extra large. Ensuite, je suis devenu moins large, et puis après ça, médium. Puis là, je me considère entre médium et mince. Mais malheureusement, j'ai pas fait de redressement assis, moi. C'est ça mon terrible secret. Ben, c'est pas un secret, mais c'est terrible parce que toute la chair est molle. Le gars, l'habillé, il est super. Mais t'enlèves le linge, là, ça descend un peu. C'est pas parce que j'ai 50 quelques années, pis c'est pas vrai, j'en ai 36. Je me suis dit en 2023, je vais avoir 36 ans. Ça me tente, ce chiffre-là, 36 ans. J'ai-tu l'air de 36 ans? Madame Georgette, elle m'a dit qu'elle t'écoutait, hein? Tous les lundis, là, avant de se coucher, même quand elle s'endort, là, elle se prend un petit café, puis elle s'endort encore plus, fait qu'elle prend deux cafés avec 6 sucres. Elle n'est pas diabétique, pas encore. Ben, non, non, tous ses membres sont là. Puis, ouais, mais son fils, en tout cas, ça, c'est une autre histoire avec son fils. Je peux t'en parler si tu veux. Mais, elle l'écoute tout le temps, puis, elle le trouve tellement. Dans sa tête, elle s'est faite une image de ce gars-là. Quelle image! Quelle image, hein? Une image vaut 1000 mots. Donc, je dis tellement de mots dans les rances rénaldiennes, surtout dans la première partie, quoi. Dans la deuxième, je laisse pas ma place. Mais je veux aussi laisser l'invité se vider le sac, nous raconter son univers, nous dire pourquoi il en est arrivé là. Et ce qui plaît à tous ceux qui passent à mon micro, ce qui leur plaît, c'est mon intérêt sur eux. Ben pourquoi tu m'as... Comment ça tu m'as trouvé? Comment ça tu veux me parler? Comment ça... Ben hey, profite-en, là. Tu sais, j'aime ça ce que tu fais. Pose pas trop de questions, j'aime ça. Quand on aime, on calcule pas. Quand on aime, on y va. On frappe à ta porte. Tu m'as ouvert. J'ai continué le chemin. On s'est retrouvés. On a parlé. Et voilà. On poursuit après. Ou on s'arrête, dépendant. Parce que ça m'arrive d'être déçu des gens que je rencontre. Et je vais être honnête avec vous. Soyons honnêtes en 2023. On en dit-tu des conneries à chaque début d'année? En 2002, moi. J'ai promis de ne pas mentir. Ça, le 1er janvier 2002, c'est ce que j'ai mentionné à mon épouse. La première chose, en le disant, j'ai menti. Faut jamais dire des affaires comme ça. En vieillissant, on comprend. Si tu comprends pas, tu fais partie d'une élite, malheureusement, redoutable, mais pas classable, et personne ne veut être dans cette section. Les. Toi, t'es excellent, t'es une des meilleures personnes que je connais dans l'univers. Ne laisse jamais personne te convaincre du contraire. Et si la vue est trop dure, chante avec moi de ta plus belle voix mue. Allez. Je m'aime, oh je m'aime. Give it up for autolove. Je m'aime. je m'adore. Ouh là là. Oh, je m'aime. Je m'aime. Je m'aime. Aime-moi comme je m'aime. Fuck, fuck les autres. On a gagné. C'est enfin notre tour. Alright, on s'accolisse de vos idées. Ce soir, on va s'aimer pour je m'aime. Ah oui, je m'aime. Oh, mon amour, comme la vague irrésolue. Je vais et je viens avec ma molaire me fait mal, oui. Je délire quelquefois. J'ai demandé à mon dentiste, comment ça? Ça m'étire de même. Vous me dites que c'est une dent saine. C'est bien beau, mais je crois sincèrement. Excusez-moi, monsieur le dentiste, je crois sincèrement que c'est une dent saine dans une bouche malsaine. Puis elle se fait influencer par toutes les autres, là. Tu sais, les petites crivoises. Oui, c'est un demi-carrier. Oui, oui, oui, c'est toi, la seule belle, hein. Tu veux te faire taquiner, là. Tout le monde veut t'embrasser, tout le monde veut t'avoir. Puis là, la dent saine dit, ah, écoutez, moi on me brosse avec douceur, et je me laisse faire, et j'aime bien quand la pâte à dents glisse sur cette brosse qui me chatouille le ventre et le corps. Ah! Est-ce que je fais bien ça, une dent saine, madame? Oui, je fais partie des hurluberlus au chapeau pointu. Mais moi, je veux pas avoir des souliers. Parce que, oui, pointu, le chapeau, ça me dérange pas. Parce que ça prend les ondes, hein, puis c'est QRL. C'est la radio qu'il faut capter. Puis même si vous voulez pas la capter, elle nous auto-capte. Hein? Elle nous auto-capte. Elle nous auto-capte? Ben oui. Même si tu veux pas te faire prendre par elle, elle va te prendre. Elle va te prendre. Là, tu dis comment? Ben oui, mais moi, normalement, là, mon mari René, bon, je le prends par le ventre. Ah ben nous, on vous prend par la culture, par l'intérêt que l'on a à vous présenter des choses tellement hors normes, puis même en même temps tellement collées sur la réalité urbaine et la réalité tout court, que devant nos passionnés, vous ne pouvez pas rester de glace. Nous sommes des passionnés. C'est quoi un passionné? C'est quelqu'un, là, tu sais, qui a lu le livre. Un livre peut-être un peu, comment dire, pointu de Dostoïevski. Enlève tes skis, mon champion, on est en janvier. En février, tu commenceras à voir tes raquettes. Pas à boire, à voir tes raquettes. En mars, range un peu ta motoneige. Puis en avril, tu découvriras hein, j'ai dit la même chose, hein? T'enlèveras le drap sur ta bicyclette, hein? Oui, donc. Hey, arrête de faire du Rimbaud quand tu peux pas faire, hein? Quand t'es pris dans. On n'a pas d'auteur assez. Non, on peut pas. On peut pas. Même en 2023, là, on peut. Jamais. Il n'y a pas. Non, il faut respecter. Même les gens qui sont irrespectueux. Faut nous aimer les uns les autres. Comme disait, je l'ai mentionné tout à l'heure, RBO. Bon, faites l'amour par en avant, pas par en arrière. L'amour est partout, mais la modération a bien meilleur goût. C'est extrapolé, là, parce que ça fait longtemps que je n'ai pas entendu ça. Il y en a qui, tu sais, leur classique, là, ils les connaissent sur le bout des doigts. Mais moi, je laisse la place à d'autres choses. Mais l'autre chose, je ne veux pas trop rentrer. Ben oui, parce que Bachung, je le connais. OK? Puis j'ai remis ma compilation Bachung, en fait, l'œuvre complète de Bachung à un client que je connais, un facteur. Je connais un facteur, moi. Hein, je connais des facteurs. Je connais du monde. Des policiers, des facteurs, des chanteuses, des danseuses, des péripatéticiennes, même des cuisiniers, des coiffeurs, des chanteuses, puis des comédiennes, puis des photographes, puis tout le monde. Là, oui, je connais aussi. Ben voyons, donc le plombier, mon plombier préféré, c'est qui? C'est Jean-Marc Ladébouche. Jean-Marc Ladébouche, il n'a pas peur d'avoir pris... Il dit, moi, là, je me suis fait influencer par mon nom. Jean-Marc, ça, c'est mon prénom, ça, je m'en fous, mais quand tu t'appelles Ladébouche, faut que tu débouches. Fait que si je me suis dit, ton cerveau n'est pas si débouché pour être, je sais pas, pharmacien, gynécologue, chanteur de charme, donc je lui ai dit, on va essayer de voir quelque chose, puis moi, j'aime ça, moi, je suis un manuel. Manuel comme ça. J'ai demandé à Manuel Tadros, c'est-tu aussi Manuel que moi? Il dit, c'est pas parce que moi, mon nom, c'est Manuel, que je suis Manuel. Il dit, c'est comme moi. On est comme pareil. Puis ton fils, c'est-tu Manuel? Il dit, mon fils, là, c'est un intellectuel. Intellectuel? Ben oui, c'est le cinéaste. Abel Lamolande. Qui? Abel Lamolande, je connais pas ça, moi. Fait du cinéma? Ben oui, cinéma québécois, voyons donc. Xavier Yolande. Comment il s'appelle le cinéaste d'Emmanuel Tadros? Arrête de rire. Hey, regarde, elle est pliée en quatre, mais en même temps, ça me surprend parce qu'elle est juste capable de le faire en deux. Ah, 2 plus 2, 4. Ah ouais. Alors, je connais mes classiques. Moi, là, vous, à taper 53 moyens. Elle est bloquée. 53 moyens! Harry, mon Dieu, c'est... Êtes-vous un fuck ou une... Rotary. Les deux en même temps, ça fait mal. Ça congestionne, ça prend dans... Oui. Dans l'anus polaire. Ça n'a pas l'air, mais ça fait mal, là. Hein, hey, monsieur, tu veux pas trop... Tu prends une disposition légère. Mais pas trop rapide. Parce que tu te rends compte que plus rapidement que on est dans le. Je l'ai moffé, celle-là. Ça m'arrive d'en moffer, moi. Je suis un moffeur professionnel. Je suis le premier moffeur professionnel, mais il y en a d'autres. Le deuxième, c'est qui? Ben, Renald Gagné, c'est moi. Ben, c'est pas moi, mais c'est lui. Animateur qui veut jamais se présenter. Mais le deuxième moffeur professionnel, c'est moff. Monsieur, on n'est pas sorti du bois. Moff. Moi, te le dire, moi, moff. Moff, plus cette chante-là parce que je l'arrête. Ok, on y va. Sorry, j'ai pas de chance. J'ai rien à te donner. Je sortais du Harvey, j'ai tout dépensé. Toi, t'habites dans la rue, ton manteau est tout déçu d'être encore sous toi, 8 ans plus tard. Pourquoi t'es rendu là, moi je le sais pas, hier. Yeah. J'aurais voulu t'aider, à plager gros, c'est mon coke. Des fois on fait les choix la vie. Papa la la papa, j'étais parti d'idée. Hey. Ah bon si je me serais arrêté à la banque. Mais là le temps me manque. J'ai un rendez-vous avec Jean-Pierre. Un gars je connais. Mais whatever toi tu connais pas. Papa la la papa. Monsieur le Fond. comme je suis riche de vous offrir des belles chansons, on y va avec une seconde. OK? La seconde, ça veut dire c'est la suivante. La suivante, ça veut dire c'est ce qui va suivre. Ce qui va suivre, c'est que le musicien, à un moment donné, là, il va partir là, t'sais, là, dans 2 secondes. 2 secondes, c'est pas long. Mais 2 ans, ça peut être. Ça peut être. À ceux qui n'en ont pas. En passant, à partir de maintenant, vous pouvez danser. Ben, avec. Je veux pas dire monsieur le groupe. Parce qu'ils sont deux, puis c'est deux mâles. Monsieur le groupe, c'est pas ça qu'on peut dire monsieur le groupe, mais si c'est comme sexy sushi. Non, comme c'est sexy sushi. Mais là, c'est pas. On peut pas dire monsieur le groupe. Parce que c'est un gars et une fille. Bon. Mais là, c'est sexe illégal. Bon. Sexe illégal, je veux pas dire que vous êtes pas dansant, mais là, nous sommes devant le maestro. Alors, maestro, on reprend, s'il vous plaît. Dansez, chantez, faites ce que vous voulez. C'est bord ouvert au niveau des jambes. Et puis, à tous les niveaux, voyons donc, pourquoi se limiter? À ceux qui n'en ont pas. On va recommencer, parce que vous avez perdu un petit peu. OK, on y va. À ceux qui n'en ont pas. Oh, ça commence de même. À ceux qui n'en ont pas. À ceux qui n'en ont pas. Mais voyons donc. Rosa. C'est même bizarre, ça. Rosa. Quand on fout le bordel, tu nettoies. Rosa Luxembourg. Et toi, Albert. Quand on trinque, tu ramasses les verres. Céline. Dion. Bataire. Dion, non, merde. Toi, tu te prends des vestes au vestiaire. Arlette. Couture. Arrête. Couture. Toi, la fête, tu la passes aux toilettes. Et si on célébrait ceux qui ne célèbrent pas? Pour une fois, j'aimerais lever mon verre à ceux qui n'en ont pas. De verre? À ceux qui n'en ont pas. Solitaire. Êtes-vous solitaire comme le verre? Tout le monde commence à danser un peu, ça bouge, hein, mais décore un peu. Ouais, mais bonne manière. Pourquoi je ferais semblant? De toute façon, elle est payée pour le faire. Tu te prends pour ma mère? Dans 1 heure, je reviens. Que ce soit propre, qu'on puisse y manger par terre. 3 heures que j'attends. Franchement, il est fabrique ou quoi? Heureusement que c'est que de verre. Appelle-moi ton responsable. Et fais vite, elle pourrait se finir comme ça. Ta carrière. Oui, célébrons ceux qui ne célèbrent pas. Encore une fois, j'aimerais lever mon verre à ceux qui n'en ont pas. À ceux qui n'en ont pas. Si tu ne me respectes pas. Oui, célébrons ceux qui ne célèbrent pas. Encore une fois, j'aimerais lever mon verre à ceux qui n'en ont pas. À ceux qui n'en ont pas. Pilote d'avion ou infirmière, chauffeur de camion, hôtesse de l'air, boulanger ou marin pêcheur, un verre aux champions des pires horaires, aux jeunes parents bercés par les pleurs, aux insomniaques de profession, et tous ceux qui souffrent de peine de cœur, qui n'ont pas le cœur aux célébrations. Qui n'ont pas le cœur aux célébrations. Maestro, Stromae, on poursuit, Stromae, on y va. Puis on revient avec une petite réflexion, là. Ah oui. Et resterai, moi, ni l'un ni l'autre, je suis, j'étais. Et resterai, moi, ni l'un ni l'autre, je suis, j'étais. Et resterai, moi, ni l'un ni l'autre, je suis, j'étais. Et et resterai, malgré la minute, je suis. J'étais et resterai. T'es de droite ou t'es de gauche? T'es beauf ou bobo de Paris? Soit t'es l'un ou soit t'es l'autre. T'es un homme ou bien tu péris? Cultrice ou pathéticienne? Féministe ou la ferme, soit t'es macho, soit homo, mais t'es phobe ou sexuel, mécréant ou terroriste, t'es veuche ou bien t'es barbu, conspirationniste, illuminati, mythomaniste ou vendu, rien du tout, ou tout tout de suite, du tout au tout, indécis, hein, tu changes d'avis, imbécile, mais t'es où tout tout de si, flamand ou wallon, bras ballant ou bras long, finalement t'es raciste, mais t'es blanc ou bien t'es marron, hein? Ni l'autre, le bâtard tu es. Tu l'étais et tu le restes. Monsieur ne prend pas parti. Monsieur n'est même pas raciste, vu que monsieur n'a pas de racines. D'ailleurs, monsieur a un ami noir, et même un ami arien. Monsieur est mieux que tout ça. D'ailleurs, tout ça, bah, ça ne sert à rien. Et mieux vaut ne rien faire que de faire mal. Les mains dans la merde ou bien dans les annales. Trou du cul ou bien nombril du monde. Monsieur, c'est la fête plus haut que son trou de balle. Surtout pas de coup de gueule, faut être calme, hein. Faut être doux, faut être calme, hein. Faut être dans le coup, faut être branchouille. Pour être bien vu partout, hein. Le bâtard tu es. Tu l'étais et tu le restes. Il a dit l'autre, je suis. J'étais et resterai. Moi, il a dit l'autre, je suis. J'étais et resterai. Moi, il a dit l'autre, je suis. J'étais et resterai. Moi, il a dit l'autre, je suis. J'étais et resterai. Moi. Bâtard tu es, tu l'étais et tu le restes. Ni l'un ni l'autre, bâtard tu es, tu l'étais et tu le restes. Être honnête, Mme Tremblay. Oui, vous m'offrez cette opportunité-là d'être honnête, mais sans trop pleurer. Oui. Non. Mais oui, je vais le dire, attendez un peu, là, il faut me mettre dans une situation. J'ai une comédienne, moi, dramatique. Moi, faire rire, là, peut-être que je fais rire de moi sans le savoir. Comme tout le monde, garde-moi comme tout le monde. Toi, tu fais rire de toi et toi. Tu laisses ça de même, ça te dérange pas. Oui. Qu'est-ce que tu fais pour changer la rengaine? Tu changes de refrain. Bon, OK. Mais ce que je veux simplement dire, c'est que le nouvel album de Stromae, là, qui s'appelle Multitude, là, 2022, là, il est pas très, très bon, comparativement aux deux autres disques que j'aime et que j'adore. Il y en a juste fait deux autres, attends un peu, toi. Attends, on va voir nos références, mon petit champion. Un, deux, il y en a fait deux. 2010, qui s'appelle Cheese. 2013, qui s'appelle Racine. Et 2022, parce qu'il s'est volatilisé. Il a été très malade. Oh mon Dieu, pauvre enfant. Puis on le compare à Jacques Brel. Il faut bien comparer quelqu'un à quelqu'un, hein. Moi, on m'a dit, mon régional, tu sais, le gars, là, avec qui tu fais l'émission. Ouais, tu parles de Rénal. Moi, Rénal, là. Moi, là. Ben, c'est pas juste moi. Tout le monde dans l'industrie. L'industrie. L'industrie de l'imbécilité. Oh, mon Dieu, c'est une belle industrie. Ah oui, mais on est nombreux, hein. On est nombreux, mais inconscients de l'être. Nombreux? Ben, c'est certain. Tout le monde veut pas rentrer là-dedans, là. Dans l'industrie, ben voyons. Donc, qui veut être dans l'industrie? On veut être autonome, marginal, artisanal. Rénal en est un, mais malheureusement, il fait partie de l'industrie De la solitude? Non, de la plénitude? De la... Je sais pas, moi, arrête donc avec tes phrases qu'on cherche, on cherche pas, on trouve rien. C'est quoi cette histoire-là? De la quoi? De la malade complète. Alors, non. OK, de la danse contemporaine. Attends un peu. Stro? Parce que moi, Stromae, je le connais là, comme si c'était mon frère. Stro, parce qu'on l'appelle Stro. Les méchants l'appellent Mai. Voilà. Moi, c'est Stro. C'est trop important ce que je veux dire, là. Fait que c'est pour ça que j'ai arrêté ta musique, mais on va la reprendre du début, fais-toi-en pas. Quand tu dis « alors on danse », OK, je sais bien que danser, là, c'est 1, 2, 3, cha-cha-cha, ou c'est « ping, ting, ting, ting, ting, ting ». Alors on danse. Toi, là, est-ce que t'es plus dans... Oui, plus. T'es-tu plus ou moins? Ben oui, t'es multiplié. Ah, oh, ça, c'est un vrai. Mais tu fais dans la danse contemporaine? Oui, Lorraine Pintal, là, ouais, la danse contemporaine. Ou la danse créative. Ah, c'est bien, là. Parce que la danse créative, ça lance tous les styles de danse. Mais ça embrasse beaucoup la danse contemporaine. Alors, on va faire de la danse créative. OK? Êtes-vous prêts? Alors, non. Alors, non. Alors, non. Qui dit étude, dit travail. Qui dit taf, te dit les thunes. Qui dit argent, dit dépense. Qui dit crédit, dit créance. Qui dit dette, te dit huissier. Lui dit assis dans la merde. Qui dit amour, dit les gosses. Dit toujours et dit divorce. Qui dit proche, te dit deuil. Car les problèmes ne viennent pas seuls. Qui dit crise, te dit monde. Dit famine, dit tiers-monde. Qui dit fatigue, dit réveil. Encore sourd de la veille. Alors on sort pour oublier tous les problèmes. Alors on danse. Alors on danse. Alors on danse. Alors on danse. Alors on danse. Alors on danse. Alors on danse. Alors on danse. Alors on danse. Et là tu dis que c'est fini, car pire que ça, ce serait la mort. Quand tu crois enfin que tu t'en sors, quand y'en a plus, eh ben y'en a encore. Est-ce la zik ou les problèmes? Les problèmes ou bien la musique? Ça te prend les tripes, ça te prend la tête. Et puis tu pries pour que ça s'arrête. Mais c'est ton corps, c'est pas le ciel. Alors tu te bouges plus les oreilles. Et là tu cries encore plus fort, mais ça persiste. Alors on chante. Alors on chante. Alors on chante. Alors on chante. Et puis seulement quand c'est fini, alors on danse. Alors on danse. Eh ben y'en a encore. Eh ben y'en a encore. que ici, j'ai. Parce que je vais faire mon Claude Rajotte de moi-même. Ici, j'ai tous les comptes rendus. J'en reviens toujours à Stromae. Hein. On écoute Stromae depuis le début. Pas vrai? Avant ça, c'était qui? C'était illicite, là. Sexe illicite. Sexe illégal. Oui, monsieur. Et puis là, maintenant, c'est Stromae. Donc, je vous disais que Multitude fonctionnait pas très fort, et c'est vrai, parce que Cheese, OK, comment on... Je vais faire mon Claude Rajotte, mais moi, je ne joue pas vraiment Claude Rajotte, là. OK, l'élément de position... OK, les classements, OK. Au classement, là, au Québec, on l'avait mis 29. En Allemagne, 29 aussi. En Belgique, 7. Y a-tu la France 6. Puis ça, on va voir aussi Racine. Ça, c'est l'album de 2000. Cheese, c'est 2010. 2010, son premier album. 2013. Allemagne, 21. C'est bizarre, hein, en Allemagne, ça fonctionne autant. Et puis, Québec, 21. Et puis, États-Unis, 19. Ah, ouais. Et puis là, quand vous regardez Multitude, et monsieur, Belgique, 1. Parce que, ils font des différences, eux autres. C'est Belgique flamand, là, 1. Belgique wallonie, 1. Hein, c'est fou, hein? On devrait faire ça au Québec aussi. Canada-Québec, hein, ça met. Allemagne, 4. Autriche, 2. Québec, 4. États-Unis, 1. On dirait des matchs de hockey. France, 1. Et... la Grèce, 1. Ensuite de ça, bon, le reste, c'est pas important. Mais ça prouve que l'album Multitude n'est pas très fort. Il fait une tournée. Il a été à Québec. Je n'y étais pas parce qu'il a pensé, il a même pas réfléchi. Il s'est présenté au Québec, à Québec, un dimanche. Je vais jamais voir des spectacles un dimanche soir. Le dimanche après-midi, oui, mais pas le dimanche soir. Parce que pour moi, le soir, surtout le dimanche, ce n'est pas festif. C'est plutôt... comment dire, non? Vous savez que moi, puis le lundi, on a une grosse misère, là, une grosse incompréhension, puis c'est mon ennemi numéro un, puis j'ai appelé l'Académie française, enlevé lundi, mais c'est pas nous autres, lundi c'est un mot, hein. On peut pas enlever le mot lundi, ok, fait que là je vais aller voir l'almanach du peuple, almanach, on est écrit dans toutes les langues, hein. L'almanach a été traduit hein, au moins, puis oh mon Dieu, le lundi, on s'en balance du lundi, nous on est dans le... Non, vous vous trompez, hein, on fait partie des magazines, et puis même des... c'est ça, magazine, hein, magazine? Oui, webzine, on n'est pas sur le web, ouais, juste pour nous, ouais. Ah, on est rendu là-dessus, mon Dieu Seigneur, on m'a pas averti, mais comment dois-je le prendre? Tranquillement. Avec douceur et amour. OK. Et puis, donc, c'est fou. C'est fou, mais c'est comme ça. Formidable. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Ça, c'est fou parce que je vous parle la chanson, je me rentre dans le truc, mais j'ai dit, je dois vous dire quelque chose. Quand je l'ai écouté, c'était à Radio-Canada, au début. Quand c'est sorti, là, c'est quoi, formidable? C'est Racine Carré, je ne suis pas sûr. En tout cas, peu importe. Je pense que c'est Racine Carré, oui. Oui, j'en suis sûr maintenant. Donc, c'est en 2013. Et je travaillais de nuit. Et quand je me levais, j'écoutais Radio-Canada. Pourquoi? Pas parce que j'aime pas CKRL. Je le captais pas. J'habitais dans le Vieux-Québec. Puis, j'avais pas d'antenne. OK? Puis j'avais un petit maudit cette affaire, là, tu sais, de c'est pas, comment t'appelles ça, pas un petit MP3, mais une vieille affaire. Et puis, j'essayais bien des stations, j'en avais trois, dont deux commerciales, puis Radio-Canada. Fait que je dis, on va aller sur Radio-Canada tout le temps. Puis quand j'ouvrais, parce que je voulais écouter ça